Oriental Dream. Et si on allait danser Marrakech ou Saint-Tropez, puis chanter la guitare jusqu'à l'oreille de Selma, Antalya et Bodrum, ragadanga bam bam. Ma sta, dai, assi a mantan, che tu muo' sul piazza, cada garanda.